one. Are you ready? Rapidos 36. Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission Happy Dance 35, l'unique émission chaque semaine qui pendant 2 heures vous fait découvrir les 35 meilleurs tubes EDM du moment. C'est toujours présenté par moi-même Ismaël, je suis super ravi d'être là avec vous comme d'habitude. On est parti pour 2 heures de son presque non-stop. Cette semaine, 5 singles nous ont quittés dans le top 35 par rapport à la semaine dernière, ce qui fait pas mal de singles. On a notamment Hard, To Say Goodbye de Ekeli et Illenium. On a aussi This Is Real de Jack Jones et Al Anderson, qui est la grosse surprise effectivement. Je m'attendais pas du tout à voir ce single en out. On a aussi More Than Okay de Rehab, Louis The Child et son single Free qui avait déjà entamé une grosse descente viennent donc de nous quitter, et puis pour finir Robin Schulz avec In Your Eyes aussi. Allez, sur ce, tout de suite, on commence avec de la très bonne musique puisque dans quelques secondes, on entendra celle-ci. Écoutez bien. Oui, vous reconnaissez bien, c'est Diplo avec On My Man qui arrive juste après ce single de Camel Fat, Rabbit Hole, petit extrait. Allez, sur ce, c'est parti pour 2 heures de son presque non-stop avec Happy Dance 35. Bienvenue les amis, et à tout de suite. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 35. We'll be right back. dans le top 35. Hit numéro 33. Oceans in between is gonna keep us apart. Mountains in the distance couldn't bury our love. I would search forever, swim up every single river, cause I know how it feels, and it's real. Must be something in my heart that beats for you. And when it gets dark, it guides me through. Les amis, on vient d'écouter à l'instant le hit numéro 33 de cette semaine, c'est une nouveauté, ça s'appelle In The Dark, c'est de Vintage Culture et Fancy Inc, sorti le 25 octobre de l'année dernière, et bien ça y est, il vient de faire son entrée dans le top 35, on va continuer avec plus de nouveautés puisqu'on en a deux autres à découvrir dès à présent, il y aura tout à l'heure Never Come Back de Caribou numéro 31, et puis tout de suite le numéro 32 de cette semaine, c'est aussi une nouveauté, ça s'appelle Outer Sunset et c'est de Taiko à découvrir dès à présent dans Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 32. C'est maintenant dans Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 31. Oh, À l'instant, deux superbes chansons de Happy Dance 35 que vous connaissez forcément pas, puisque c'était des nouveautés. C'était Outer Sunset de Taiko numéro 32, et à l'instant, on a écouté le numéro 31, Caribou, avec Never Come Back. On va continuer avec toujours plus de musique, bien évidemment, puisque tout à l'heure, je vous prévois numéro 27, un single qui fait son grand retour dans le top 35 cette semaine, c'est Green Light de Criolla, écoutez ça. Il reprend sa place très largement due dans ce top 35, et c'est pas tout, on aura aussi One Night de MK. MK et Sonny Fodera ainsi que Rafaela qui gagne 4 places cette semaine puisque ce sera le numéro 28, et puis le numéro 29 qui arrive juste après celle-ci, c'est God Is Adventure de Tiesto Canavel. Pour l'instant, dès à présent, on écoute le numéro 30, c'est Griffin et les Seven Lions ainsi que Noah Kahan sur Need Your Love. Hit numéro 30. Your love. I need your love.

avec Guy Smaël. Vous écoutez Happy Dance 35. Hit numéro 27. Neuf chansons viennent de passer ultra rapidement dans votre émission Happy Dance 35. Puisque les amis, ça fait un petit peu plus d'une demi-heure que nous sommes ensemble. C'est toujours Ismaël pour vous accompagner dans ces deux heures d'émission. Alors n'oubliez pas bien évidemment d'aller vous abonner à la page Facebook de l'émission Happy Dance 35 EDM. Ou pareil pour le Twitter, hein, Happy Dance 35 EDM, vous tapez ça, vous allez trouver. Je vous mets régulièrement des infos sur eh bien, les réseaux sociaux. Donc restez bien à l'écoute. Et puis tout de suite, on va continuer avec de la musique. Tout à l'heure, on aura Turn Me On de Riton et Oliver Heldens qui perd 4 places. Et qui arrive numéro 24. On aura Safety 2020 qui sera toujours présent en numéro 25. Et puis tout de suite, ce qui arrive, c'est Rushing Back de Flume en featuring avec Vera Blue qui est le numéro 26 de cette semaine. Hit numéro 26. I always let the day slip away. I should have been making up my mind. I never opened up, took it all in and now I'm running out of time. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back. I feel the gravity pulling me faster than it ever had before. When I was 17, 19, loving had me rushing out the door. I try to hold it back, take a breath, looking at old pictures on the floor. But I hear everything telling me you don't have the time to let it go. And it all comes rushing back, rushing back.

Dance 35. 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Happy Dance 35. C'est toujours Ismaël avec vous pour vous présenter Happy Dance 35, les amis. On entame la deuxième heure de l'émission. J'espère que vous passez un très bon moment en ma compagnie. On a écouté tout à l'heure eh bien, pas mal de chansons, notamment il y avait Body Bag de Griffin avec Maya Wright et puis I Feel Love de Sam Smith, qui est vraiment idéal si vous voulez passer eh bien, un très bon moment avec votre compagnon ou votre conjoint ou conjointe. Enfin bref, on n'est pas là que pour parler amour non plus. On est là pour parler musique EDM et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont les 35 meilleurs hits. Et nous en reste pas moins de 18 à écouter. Tout à l'heure, je vous prévois eh bien Galantis avec Faith, qui est le numéro 15 de cette semaine. Écoutez ça. Idéal pour faire la fête le soir, alors restez avec nous. Il y aura aussi Alone partie 2 de Alan Walker, bien évidemment. La voix d'Ava Max, toujours aussi enchanteresse. Et puis Baila Conmigo de Jennifer Lopez. Mon Dieu, écoutez ça. Dieu latino. Imagínate. Vamos a tocar. Mais avant d'écouter tout ça, tout de suite, ce qui arrive, c'est In Your Arms de Illenium avec X Ambassador, qui perd une place cette semaine. C'est le numéro 18. Numéro 18. Never seen Mona Lisa close, but I seen perfection under your clothes. Yeah, we fell in love and we built a home, though we may never see the streets of Rome. And I hope it's you know I'm not afraid as long as you're next to me.

maintenant on continue comme promis avec Faith de Galantis et Dolly Parton en featuring avec Mr. Probe, numéro 15 de la semaine. Beat numéro 15. No, the road gets hard and you just wanna leave. I ain't never too far. Just have a little faith in me. When all the fears you have are all you can believe, oh, I'll be standing by your side. Just have a little faith in me. Have a little faith in me. Voilà, c'était donc Faith de Galantis et Dolly Parton en featuring avec Mr. Probs qui a perdu 3 places cette semaine. C'était donc le numéro 15. On continue avec toujours plus de musique dans Happy Dance 35, donc restez bien à l'écoute puisque tout à l'heure en numéro 11, on aura le tribute de Kaigo pour Avicii avec Sandro Cavazza. Ce sera Forever Yours. On aura aussi Get Your Wish de Porter Robinson et Family Dead Chainsmoker avec Kaigo. Et d'ici quelques instants, ça va être You Broke My Heart Again de Tekkoi et Aiko. Nouveauté dans Happy Dance 35. Deux jours de meilleur hit musical dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Beat numéro 14. My hand and stay with me, my dear.

Les amis, vous êtes toujours avec Ismaël dans Happy Dance 35 pour 2 heures de son presque non-stop des meilleurs titres EDM de la semaine. On continue tout de suite avec Forever Yours, c'est le tribute attribué à Avicii grâce à Kaigo et Sandro Cavazza, numéro 11 de cette semaine. 8, numéro 11. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you. In such a beautiful way, there's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Une magnifique chanson en hommage à Avicii à l'instant sur Happy Dance 35, c'était Kaigo et Sandro Cavazza sur Forever Yours. Allez, à suivre, on rentre dans le top 10 des meilleures chansons de la semaine, c'est Take Away des Chainsmokers et Illenium en featuring avec Lennon Stella. Hit numéro 10. You have for take away, yeah, yeah, yeah. You have for take away, yeah, yeah. You have for take away, yeah, yeah. Have for take away, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey, where do you think you're going? It's so

Did I say something wrong? Did you hear what I was thinking? Did I talk way too long when I told you all my feelings that night? Is it you? Is it me? Did you find somebody better? Someone who isn't me? Cause I know that I was never your type. Never really your type. Overthinking's got me drinking, messing with my head. Sometimes good things fall apart. Overthinking's got me drinking, messing. Et oui, à l'instant, vous l'avez reconnu, c'était Good Things Fall Apart de Illenium et John Bellion, toujours certifié disque d'or aux USA et numéro 5 dans Happy Dance 35. Allez, on continue puisque tout à l'heure on va arriver dans le top 3, mais avant ça, c'est la surprise de cette semaine que l'on écoute, On the Floor de Jennifer Lopez et Pitbull qui vient d'arriver comme ça, 9 ans après, en numéro 4 du classement des 35 meilleurs tubes EDM du moment en 2020. Tout est normal et oui, je vous explique pourquoi dès à présent, puisqu'en fait, il faut savoir que Shakira et Jennifer Lopez viennent d'offrir aux USA le dimanche 2 février de cette année, tout simplement une superbe prestation au Super Bowl qui a donc lieu aux États-Unis. Et attention, un show très latino s'est donc déroulé et bien évidemment, elles ont repris leur meilleur tube, dont notamment On the Floor de Jennifer Lopez avec Pitbull qui fait donc son retour exceptionnellement dans le top 35 pour cette année 2020 et risque de rester un petit peu dans le classement, mais on verra ce que nous réserve l'avenir. En attendant, place donc à On the Floor, Jennifer Lopez, et juste après, ça sera I Your Love de Kygo et Whitney Houston, toujours numéro 3. Deuxième de meilleur hit musical dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 4. Zaylo, Yadusa, no es más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Party people. Get on the floor, darling. Get on the floor. Red wine. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Somebody drink a little more. I see me.

noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We about to spend a dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Rooftop, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improve, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Non stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm, rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Les amis, l'émission de cette semaine touche à sa fin avec cette particularité d'avoir vu un grand retour 9 ans après d'un single qui a été certifié quand même triple disque de platine aux USA et plusieurs fois disque de platine dans d'autres pays comme nous en France. C'était On The Floor de Jennifer Lopez et Pitbull numéro 4 de la semaine, totalement inattendu, effectivement, puisque ça fait quand même quelques temps déjà que le Super Bowl est passé aux USA, mais bon, on verra combien de temps cette musique restera dans le top 35. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous de passer une très bonne fin d'écoute de l'émission d'Happy Dance 35. C'était Ismaël au micro. Ciao, bye bye, et à la prochaine pour une nouvelle émission.